Attitude. sunset sur des instrus et qui sera comme ça difficile à... dans ces quartiers et que... C'est populaire d'Haydn lors de ses deux voyages à Londres. Wasser hat das Wille nicht und Wasser will das hat er nicht. Man sent en danger entre les mains de ceux qui sont censés les protéger. Mais ce cul im Schnurgeloch hat so die Frau. Gott will sein dénoncer. Mais qu'est-ce qui se passe? Super Stick, c'est une histoire de boulet, c'est du nez et tout. Soir, il y a un premier... On se voit. Nouvel album. On se voit tout. Vous voyez, on se voit pas comme une femme sexy. Moi, je me verrais jamais comme quand je vois que mes filles me disent ouais, t'es comme ça, franchement, ou homme, me dit que je suis sa belle ou sa douce, ben je. Ouais, je me dis que je suis sexy. Mais vous voyez, c'est un but en pas en même temps. Il faut être. Okay. Être une gonzesse, de toute façon, je vous dis pas. Frédéric, t'as dit, c'est compliqué. Hier était pour lui. Two. je pense que c'est très prétentieux, je vais pas dire ça, mais disons qu'on a influencé par le fait d'avoir été les premiers à faire du marketing, je veux dire. C'est simple et rapide, ChatX au 63. On n'est pas d'accord. On est dans la démolition systématique de la personne. ChatX au 63.9. De sa taille. Par SMS hors coup d'envoi. 61 900. De la République islamique. Et tous les jeunes qui ont eu, enfin tous les gens avec qui on a eu maille à partir en 2005, c'était des gens qui étaient systématiques, enfin qui avaient 9 fois sur 10 en toute saison. Et donc effectivement, nous c'est un peu ce qu'on dit aujourd'hui. Si vous attendez, pardonnez-moi l'expression, si vous attendez que les gens soient déjà vrillés pour essayer la vie. Mais notre... Fait 191. Bonsoir Olivier. France Info 5h02, critique à gauche et scepticisme des associations après la présentation hier d'un plan banlieue par Nicolas Sarkozy. C'est un enfer. Chance. pas.